kumbuliwa.

Radio Louange à Dieu vous propose d'écouter des louanges en diverses langues. Chers auditeurs, rappelez-vous de Psaume 150 verset 6 et d'Hébreux 13 verset 15 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Zambe Eko biki sakara Peko pambolara Ma bien aimé Je t'apporte la bonne nouvelle La parole de Dieu La réponse pour les saluts Oyo roneko na memeli ya sango malamu liloba na zambe ekobiki sakara beko pambolara ma bien aimé je t'apporte la bonne nouvelle la parole de Dieu La réponse pour les saluts. Naya kiota la yo, mon colorant de mon poso, poto kendo sambela. Natuni balobi yo robi maki, okene ki kotumela, poto sala ki masumu. Assis à Longa depuis la prédestination. Boni malili a kazi faya miso. Sola rezaline mon soussoué. La vérité est dans la Bible. Jésus-Christ a vaincu sur la croix. la mwe koti kala se moko mi bale peo tanga biblia ayaki la kala mwa na pate na mokili l'agneau de Dieu il a donné sa vie pour toi et moi motora kosa yote c'est l'état du pigre souverain, c'est lui seul qui a traversé les cieux, Jésus-Christ. A sopa qui m'a killa, bonangana yo, bonanini li bosona moto. Bosonyoso, okende ke kotubela. Fumola motema, Yesu akota, akila mae, apeto la yo, wano si, imakse, misika esanto. Salite Kunana likolo awana mokili na sala mabele o moto azalite bobele lagno lagno de Dieu thank you. sincérité de mon cœur. Toi qui connais la valeur que j'accorde à ta parole. Hey, yeah. Mon âme est pour toi, mon Dieu. Toi qui connais la sincérité de mon cœur. Toi qui connais la valeur que j'accorde à ta parole. Yeah, yeah. Papa la raye, yo noye bi mote mananga ipona yo. Yo noye bi papa sina mona pona yo. Yendo ye bi kocho la macho la ngai pola yo. Yeswe ye ye ye. Papa la ngai ye. Yendo ye bi papa sina mona pola yo. Yendo ye bi kocho la macho la mapola yo. Yendo ye bi kofinga ba finga ngai pola yo. Yeswe ye ye. Papa, tu vois ça, mémé au fond de l'abîme. Tu es au, yeah, yeah. Aïna qui n'est qu'au habillé. Aïna qui m'a qu'au habillé. Kunana, c'est la main. Yesu yo, salio. Koleka, ma pata. Papa, n'a qu'on a yo, Moli, mola yo, na motema. Kimako abio, muli mona yona motema na kimako abio, Yesu ye. Nyonga koyawa monene, kopesa bomo ina yo Yesu, mola nga zambeo, na koko kateko futa nyongo na yo, yangwe ngotindanga ingolinga, ilomba na yo. Dans les choses du monde, oh.